RCA, la commission onusienne d'enquête à pied d'œuvre cette semaine, 10 mars 2014. La commission onusienne chargée de faire la lumière sur les exactions en République centrafricaine, entame cette semaine ses travaux sur le terrain. Lors d'une conférence de presse lundi à Genève, les trois membres de la commission ont expliqué qu'ils ne passeraient que 3 jours à Bangui avant de séjourner pendant 2 semaines à l'intérieur du pays. Ils interrogeront des victimes d'abus présumés ainsi que des témoins de crimes, mais aussi des chefs de village, quiconque aurait eu connaissance de meurtre, viol ou tout autre abus contre la population civile. Le président de cette commission d'enquête, Bernard Achomouna, est avocat à la Cour suprême du Cameroun. Il revient d'un récent séjour à Bangui. Quand j'étais là-bas, il y a 2 semaines, et il y avait un net sentiment que tout cela doit cesser. Le gouvernement de transition souligne qu'il faut mettre fin à l'impunité. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, selon M. Mouna. Ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer que ceux qui ont franchi la ligne rouge répondent de leurs actes devant la communauté internationale et soit jugée si nécessaire. Cette commission a été mise en place à la demande du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon. Elle enquête sur les violations des droits de l'homme depuis le 1er janvier 2013. Monsieur Mouna a une forte expérience des questions de génocide puisqu'il a travaillé sur le Rwanda. Mon expérience au Rwanda montre que les génocides commencent toujours par de la propagande. Convaincre que la population que ce groupe de personnes est mauvais, qu'ils sont maléfiques et qu'ils doivent être éliminés. La commission doit présenter un rapport préliminaire en juin prochain devant le Conseil de sécurité à New York, Côte d'Ivoire. La réforme de la commission électorale au cœur des débats, 10 mars 2014. En Côte d'Ivoire, la course d'obstacles a commencé pour les élections générales de 2015. Tous les acteurs politiques ivoiriens s'accordent sur la nécessité de la réforme de la commission électorale. Le National Democratic Institute, NDI, qui vient d'effectuer un audit du processus, à la demande du gouvernement, tire les mêmes conclusions. L'objectif principal de l'évaluation menée par le NDI est de faire des recommandations qui cadrent avec les réalités ivoiriennes et qui permettent que la commission électorale issue des réformes soit respectée de tous les Ivoiriens. Mali, report des élections municipales, prévues initialement pour avril. Les élections communales ont été reportées au mois d'octobre pour permettre aux réfugiés et aux déplacés de pouvoir rentrer chez eux. 10 mars 2014, au Mali, le Conseil des ministres a tranché. Les élections municipales sont reportées au mois d'octobre 2014 pour permettre d'organiser de meilleures conditions de vote. Ce délai devrait permettre le retour d'un certain nombre de déplacés ou de réfugiés, notamment au nord. Cela devait également permettre au processus de réconciliation nationale de progresser. Pour Alexis Calambri, directeur de publication du journal Les Échos, ce report est valable. C'est un moindre mal. Auparavant, on mettait en place des collèges transitoires pour assurer les élections alors que l'idéal est de proroger le mandat de ceux qui sont déjà là. Reporter ces élections dans 6 mois est une bonne solution car cela va permettre une meilleure organisation des communes, la décentralisation du pouvoir des élus locaux et de mieux définir les pouvoirs supplémentaires qu'il faut accorder aux élus locaux. L'État doit souffler avant de rentrer dans une nouvelle phase d'élection. Sans oublier que les négociations sur la question du Nord sont engagées, dissensions croissantes au sein du MNLA. 11 mars 2014, les désaccords se multiplient au sein des différents groupes du Nord du Mali. Le premier d'entre eux, le MNLA, n'échappe pas à la règle. Un des cadres du Mouvement National de Libération de l'Azawad annonce qu'il va créer son propre Mouvement alors que les négociations avec Bamako sont dans l'impasse depuis des mois. Ibrahim Agé et Mohamed Salah, déjà mis à l'écart par la direction du MNLA, affirme qu'il va mettre sur pied une coalition pour faire avancer le dialogue rompu avec Bamako. Derrière cette annonce se profile l'influence grandissante du Maroc et de l'Algérie sur la question Touareg. Les deux puissances maghrébines s'affrontent indirectement et le Mali est devenu un enjeu géopolitique pour Alger et Rabat. C'est du moins l'analyse d'André Bourgeot, chercheur au CNRS Les Forces Sangaris à Kagabandoro. La population a laissé exploser sa joie suite à l'arrivée lundi des forces françaises dans la ville. Plusieurs familles qui avaient fui en brousse commencent à revenir 11 mars 2014. Pour la population, l'arrivée des forces françaises sangaris dans la ville a été vécue comme soulagement. Pris en étau entre les ex-Séléka et les anti-Balaka, les habitants espèrent un désarmement assez rapide de ces deux groupes. Cependant, le commandement de l'opération Sangaris n'a pas encore donné des indications exactes sur la mission des soldats français sur place. Selon une source locale, depuis mardi matin, les centaines de familles qui s'étaient réfugiées en brousse à l'église catholique commencent à regagner leur maison. À Bangui, par contre, l'attention est toujours palpable au PK. 5 et dans une partie du 5e arrondissement, un soldat de l'ancienne Séléka, basé au Kambil, a été retrouvé grièvement blessé dans la matinée vers Yassimanji. On ignore encore les circonstances au cours desquelles l'homme a été agressé, mais ses chefs imputent l'action aux anti-Balaka. C'est dans ce contexte que la commission d'enquête de l'ONU est arrivée en fin d'après-midi dans la capitale centrafricaine. Elle enquêtera sur les graves violations des droits de l'homme afin de traduire les auteurs en justice. Abou Moussa invite les voisins de la RCA à s'unir pour gérer la crise au Cameroun. Visite du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Après avoir visité d'autres pays voisins de la Centrafrique, Abou Moussa appelle à une réponse globale concernant la crise actuelle qui a un impact sur toute la région. 11 mars 2014. Abou Moussa estime que les violences sectaires à Bangui font porter un lourd fardeau aux pays de la région. Selon lui, le nombre de réfugiés augmente. Le trafic d'armes est à son plus haut niveau et il y a un manque de respect total pour la dignité humaine. Monsieur Moussa a déclaré à la Voix de l'Amérique qu'il faut que les pays de la région s'unissent. Le secrétaire général est très préoccupé car on retrouve au Cameroun un grand nombre de personnes qui ne sont pas centrafricaines et qui transitent dans la région. Il y a aussi le taux élevé de malnutrition à la frontière, il y a des réfugiés, il y a la menace de Boko Haram et d'autres groupes terroristes, le viol d'enfants, etc. Nous avons tous ces problèmes qui méritent notre attention. L'émissaire onusien visite Yaoundé. Après le rejet par le Cameroun des accusations selon lesquelles le pays servirait de base arrière à Boko Haram et au groupe armé centrafricain, la question sera bientôt débattue au Conseil de sécurité, selon les autorités camerounaises. Le nombre de réfugiés centrafricains dans le pays est passé de 50 à 150 000 au cours de deux derniers mois. Kinshasa demande plus de sanctions militaires contre ses voisins. 12 mars 2014. La République démocratique du Congo appelle à mettre plus de pression sur certains pays des Grands Lacs. Par la voix de son ambassadeur à Washington, la RDC demande aux Nations Unies la levée des sanctions contre Kinshasa. Faïda Mitifou demande, au minimum, qu'un embargo sur les armes soit imposé aux pays voisins, notamment le Rwanda. La République démocratique du Congo n'est plus sous embargo sur les armes depuis 2008. une mesure imposée par les Nations Unies en 2003. En revanche, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour un an la résolution 1807 sur les groupes armés. Cette dernière précise que « tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d'armes et de tout matériel connexe à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo ».